Il est si dur de retrouver l'innocence perdue lors de son enfance. Toi-même, tu sais. Tu lui cours après, mais... elle te sème. Dur de retrouver l'innocence de sa prime jeunesse, lorsqu'on a vendu son âme pour un rail de cesse. Ne t'en fais pas de t'en sortir quand la drogue t'attrape, parce que t'as vendu ton âme pour une pipe à crack. Tu ne sais même plus où aller à part dans 18ème. Je crois t'es à Stalingrad des dealers disent qu'ils t'aiment. Tu ne sais même plus où aller à part dans 18ème. Je crois t'es à Stalingrad des dealers disent qu'ils t'aiment. On te voit discuter, parfois te disputer. Jouer le commercial pour baisser le prix et mieux te biscuiter. Les dealers savent quitter, plutôt toujours tilté. Toujours à demander des chromes, toujours à profiter. Mais ça marche pas comme ça, donc tu joues ta lopsa. T'es ton perdu, tu fais son plan, mais je sais que tu adores ça. T'es vénère, alors quoi? J'raconte ta vie, on continue ou quoi? Endors-toi, se fonce des en force quoi. Mais tu t'en enfonces toi, ça fera seulement qu'on se voit. Que t'essaies de te susciter, car tu peux pas concevoir. Te vivre ici, car t'as plus rien, t'as tout perdu dans l'illicite. Quand pas de misère extrême, j'te jure coup de voix sur BBC. Aussi, j'fais un appel, voyez le fonce derrière la telle. Faudrait l'aider à scanner, 2-3 gars pour elle foutre à la scène. S'il vous plaît, mais c'est pas la peine, tu crèveras dans une ou deux semaine chrono, car tu as attrapé le tas dans tes sales films. Dur de retrouver l'innocence de sa prime jeunesse, lorsqu'on a vendu son âme pour un rail de cesse. Ne t'en fais pas de t'en sortir quand la drogue t'attrape, parce que t'as vendu ton âme pour une pipe à crack. Tu ne sais même plus où aller à part dans 18ème. Je squattais à Stalingrad des dealers disent qu'ils t'aiment. Tu ne sais plus où aller à part dans 18ème. Je squattais à Stalingrad des dealers disent qu'ils t'aiment. Quand tu me racontes ta vie, je dis il est ouf la suite. T'as connu les drogues à 12 ans, baiser des putes gratuites, traîner dans tous les milieux. A fait un ou deux millions. Et d'après toi t'es proprio à la course à des millions. Ok, je veux bien te croire, mais qu'est-ce que t'as bien pu avoir pour devenir ça comme un talk show aussi puant que notoire. 3 ans de tôle, 5 ans, puis 7 ans de show. J'ai passé ma jeunesse enfermée avec Elton John. Tu vois, ok, je pige, tu t'es fait violer. Maintes et maintes fois, maintenant t'as le cul tout bariolé de sperme. La drogue c'est la merde, tu sais. Je peux en parler, j'en ai pris. Mis en vente, c'est encore bien pire, tu sais. Je préfère ma bière cul sec, car elle tu sec. Moins que la coke, mais elle pèse du siècle, je pèse lassé. L'héroïne le craque, on peut se lasser, on peut se lasser. Dur de retrouver l'innocence de sa prime jeunesse, lorsqu'on a vendu son âme pour un rail de cesse. Ne t'en fais pas de t'en sortir quand la drogue t'attrape, parce que t'as vendu ton âme pour une pipe à crack. Tu ne sais même plus où aller à part dans 18ème. Je squattais à Stalingrad des dealers disent qu'ils t'aiment. Tu ne sais plus où aller à part dans 18ème. Je squattais à Stalingrad des dealers disent qu'ils t'aiment. Dur de retrouver l'innocence de sa prime jeunesse, lorsqu'on a vendu son âme pour un rail de cesse. Ne t'en fais pas de t'en sortir quand la drogue t'attrape, parce que t'as vendu ton âme pour une pipe à crack. Tu ne sais même plus où aller à part dans 18ème. Je squattais à Stalingrad des dealers disent qu'ils t'aiment. Tu ne sais plus où aller à part dans 18ème. Je squattais à Stalingrad des dealers disent qu'ils t'aiment. De retrouver l'innocence de sa prime jeunesse, parce qu'on a vendu son âme pour un rail de cesse. Ne tente même pas de t'en sortir quand la drogue t'attrape, parce que t'as vendu ton âme pour une pipe à crack.